54. Terminator et la rareté par la technologie. Lu par Clément Siebring. Terminator et la rareté par la technologie. La lourdeur du dispositif de contrôle mis en œuvre par Monsanto illustre l'une des difficultés à laquelle se heurtent les titulaires de droits décidés à faire respecter leur propriété intellectuelle. Plus la copie est facile, et dans le cas des semences, elle est même naturelle, plus il est difficile d'en faire respecter l'interdiction. D'où l'intérêt marqué pour l'approche technologique afin de brider la prolifération. Après tout, si un verrou niché dans la plante elle-même pouvait empêcher toute reproduction, les firmes pourraient se passer de détectives et d'avocats. L'effet de la protection technologique est semblable à celui de la protection par la propriété intellectuelle, mais probablement moins coûteux et certainement plus efficace étant donné qu'il est automatique, remarquent les auteurs d'un rapport au gouvernement britannique. Dans le cas de l'agriculture, cette conception a mené aux variétés hybrides de maïs dès la fin du XIXe siècle. Cette technique permet de produire des graines très prolifiques et d'excellente qualité, mais presque stériles dès la deuxième génération. Les fermiers sont donc obligés d'en racheter chaque année un modèle qui fera la fortune de Hybrid, aujourd'hui rebaptisé Pioneer. Mais l'hybridation n'est pas la panacée absolue pour les semenciers, car elle ne fonctionne qu'avec certaines plantes, comme le maïs. Impossible de mettre au point du soja, du colza ou du blé hybride. Pour les entreprises qui font commerce de graines, ce fut longtemps un obstacle jusqu'à l'arrivée du génie génétique. Fabuleux OGM qui permettent d'envisager des plantes résistantes aux herbicides, des aliments dopés en vitamines ou plus nourrissants, et mieux encore, stériles. Ce que la nature n'a pas permis par l'hybridation serait rendu possible par la technologie. En mars 1998, c'est fait. Une équipe du ministère américain de l'Agriculture et la firme Delta & Pineland déposent un brevet sur un système de contrôle de l'expression génétique chez les plantes. En clair, grâce à cette invention, il devient envisageable de castrer le vivant. Très vite, les associations, dont la plus combative est la Rural Advancement Foundation International, RAFI, de l'activiste canadien Pat Mooney, l'affuble du sobriquet Terminator. Le tollé est planétaire, d'autant que Monsanto se porte candidat pour racheter Delta and Pineland quelques mois après la publication du brevet. Dans le tiers-monde, Terminator devient le symbole même des visées de contrôle des multinationales du Nord. Le directeur général du Conseil indien pour la recherche agricole affirme « Nous n'autoriserons pas l'entrée de Terminator dans ce pays. » Pour Monsanto, comme pour ses concurrents engagés dans des recherches similaires, la situation devient intenable. En 1999, la firme annonce qu'elle ne commercialisera aucune variété génétiquement stérile sans débat public préalable et promet de cesser les recherches en ce domaine. Vraiment, si les géants de la semence ont effectivement renoncé à les commercialiser, les travaux se poursuivent en laboratoire. En juillet 2003, l'Association internationale des semenciers, International Seed Federation, a même voté à l'unanimité une résolution favorable à Terminator et ses clones.